بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى هذه الردود على هذا الرجل إسلام ابن أحمد. On finit cette série de réfutations sur Islam ibn Ahmed concernant ses accusations contre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux. Et taqaddam ma'ana anna hadha ar-rajul cite des paroles de savants sur la définition des compagnons radiyallahu anhum, et on les a cités, ou on a cité certaines, comme la parole de Saïd ibn al-Musayyib, ou kadhalik il cite la parole de Asim al-Ahwal et beaucoup d'autres, les paroles de Al-Maziri kadhalik, sur leur définition des compagnons radiyallahu anhum. Et on a vu un al-qawl al-rajih, c'est qawl al-muhaddithin, qawl ahli sunnati wal-jama'a, anna al-sahabi man ra'a al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mata ala dhalik. Yaqul ibn al-Jawzi rahmatullah alayh, on cite sa parole, il y en a, elle résume ce qu'on a vu avant par rapport à la définition. قال رحمه الله كما في تلقيح مفهوم أهل الأثر فصل الخطاب في هذا الباب أن الصحبة أي il va résumer الآن كما قلنا أن الصحبة إذا أطلقت فهي تنقسم إلى قسمين أحدها donc As-suhba, et le fait d'accompagner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça se divise en deux. Ahaduha an yakun as-sahib mu'ashiran mukhalitan kathir as-suhba, fayuqal hadha sahib fulan. Kama yuqal khadimuhu liman takararat khidmatuhu la liman khadamahu yawman aw sa'a. Donc le premier cas, annahu il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain temps. Et pas seulement un jour ou une heure. Deuxième cas, deuxième catégorie, an yakun sahibahu fi mujalasatin aw mamsha walaw sa'a. Fa haqiqatu as-suhba mawjuda fi haqqihi wa in lam yashtahir. Deuxième cas, on dit que c'est un sahabi même si il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois, walaw sa'a, walaw un moment, walaw une heure, aw aqal aw akthar, ça reste un sahabi. فهذا الخلاصة de tout ce qu'on a vu auparavant. فهذا هو الفرق بيننا, c'est ça la différence entre nous et Islam ibn Ahmed. أننا نعترف أن الصحابة يتفاوتون في الفضل, ils sont pas tous au même niveau dans le fadl et dans l'ilm, et كذلك dans le accompagnement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains l'ont accompagné depuis le début, d'autres des années après, d'autres à la fin, d'autres ils l'ont rencontré qu'un instant. لكن لا نطعن في أحد منهم أبدا بل نحبهم لماذا لأنهم ils ont حق الإيمان الإسلام c'est des مؤمنون كذلك ils ont eu le mérite de voir النبي صلى الله عليه وسلم ou de le rencontrer ولو un court instant, c'est un fadl عظيم. On a cité la parole d'Ibn al-Mubarak et d'autres رحمة الله عليهم. نعم فهذا. Et est-ce que, et c'est là que c'est important et on doit faire attention, est-ce que ha'oula, qu'ils ont différencié, in saha anhum, comme Saïd ibn al-Musayyib et d'autres, est-ce que ceux qu'ils ont dit, s'il a rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam un court instant, c'est pas un sahabi, hal yat'anouna fi hadha sahabi, ou d'autres, est-ce qu'ils les critiquent, est-ce qu'ils les accusent, comme il fait hadha al-makhdoul, abadan. Fal'ibra ala kulli hal, c'est bid-dalil. Et dans le dars précédent, on a vu et on a cité des preuves, un rajih, c'est que as-sahabi, c'est celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam walaw une fois. Donc la première condition, il l'a rencontré, la deuxième, il est mort ala al-iman. Et hada fi al-haqiqa hada al-maslak, cette façon de faire de hada ar-rajul, annahu il prend kalam al-a'imma quand ça l'arrange et il les délaisse quand ça l'arrange pas. Il prend ce qu'il veut et il délaisse ce qu'il veut. فالحقيقة c'est من طريقة أهل الأهواء كما قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم مرض أو في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Il prend pas المسألة بالأدلة إلى حسن الظن بالصحابة il dépasse pas les savants. Là, il prend ce qu'il veut, il rejette ce qu'il veut, et كأنه هو il fait partie de أهل الاجتهاد, comme on va voir aujourd'hui. فانحرف عيادا بالله. قال إسلام ابن أحمد كما تقدم. C'est qu'on a suivi tout le monde en disant ce sont des compagnons. Alors que plusieurs d'entre eux n'étaient pas les compagnons de la première catégorie et ils ont fait que du mal à la Umma de l'Islam. Et la deuxième catégorie, certains pour lui, ils ont fait que du mal à la Umma de l'Islam. Est-ce que أحد أهل العلم il a dit هذا الكلام الخطير? قال, c'est ça les conséquences de celui qui ne suit pas le Coran et le Karim et la sunna de النبي صلى الله عليه وسلم. فتتعجب. أنه avec tout ça, il يقول أن ceux qui comme nous, أهل السنة, السلفيون, on suit les compagnons pour lui, on les suit aveuglément, comme تقدم tous les mensonges, même s'ils font une faute, on dit qu'il faut les suivre, tout ce qu'il dit, pour lui la conséquence c'est de suivre le Coran, c'est de délaisser le Coran et la sunna. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع. Celui qui prétend suivre le Coran et la Sunna et revient pas à la voie des compagnons, la voie des salaf, il fait partie de أهل البدع. Est-ce qu'un compagnon il a déjà différencié entre les anciens compagnons, ceux qui ont accompagné longtemps Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les autres, et il a dit certains ils ont fait que du mal? أبدا. ça c'est من تأثره في الشيعة الروافض أنه اغتر en lisant l'histoire لأن il prétend أنه il a étudié l'histoire فالله أعلم les livres qu'il a étudié et qu'il a lu فتأثر بالقوم et يطعن في بعض الصحابة وفي بني أمية خاصة comme on va lire إن شاء الله اليوم. فأما في الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فإسلام ابن أحمد يكرر كثيرا يغبت سوفا أنه ما ثبت شيء من فضائل معاوية. Dans plusieurs de ses interventions, les Nawasib détestent la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, il a un cours avec ce titre. كذلك les hadith faisant l'éloge de معاوية et d'autres interventions, أنه يذكر أنه ما ثبت شيئا أو شيء في فضائل معاوية. أي دي أحمد ابن حنبل يقول أي إسلام ابن أحمد يغطط la parole de أحمد ابن حنبل الإمام رحمة الله عليه يقول on a inventé des hadiths sur les mérites de معاوية. النواصب déteste la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. Dans cette kalima il a rapporté cette parole de الإمام أحمد رحمة الله عليه. الله أعلم بصحة هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن est-ce que ça veut dire هذا الكلام on a inventé des hadiths sur les mérites de معاوية أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يطعن في معاوية أو أنه يعتقد أن معاوية إلى قد فضائل. بل بعض الناس ils inventent des hadiths sur النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ils inventent des hadiths في أهل البيت في علي. الشيعة الروافض ils ont des عجائب des mensonges في فضائل علي كثيرة. Est-ce que si on dit أن الروافض الشيعة ils inventent des hadiths sur علي ça veut dire que علي il n'a pas de mérite. عيادا بالله. ça montre حقده وبغضه contre بني أمية معاوية رضي الله عنه et d'autres. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة فإن حديث الطير لم يرويه أحد من أصحاب الصحيح. حديث الطير c'est un hadith qu'ils ont inventé sur علي رضي الله عنه. ولا صححه أئمة الحديث ولكن هو مما رواه بعض الناس أي الروافض كما رووا أمثاله في فضل غير علي. أي il fait partie des mensonges qu'ils ont inventés sur علي. قال بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. شيخ الإسلام يمطر أنه ils ont inventé كذلك certaines personnes des choses sur معاوية. فنحن نرجت les mensonges les أحاديث faibles que ça soit sur معاوية أو sur علي. est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de فضائل أو نطعن فيهم نعوذ بالله. et vous vous rappelez أنه quand on a cité la parole de l'imam Ahmed, et huwa kadhalik, il l'a cité sur la définition du compagnon, il l'a rejeté. Limad ali anna, c'est contre ses fondements à lui, sur ses principes, sur la définition du compagnon. Quand il a trouvé une parole de l'imam Ahmed, il a pensé que c'est un ta'n fi Mu'awiya, il la rapporte. Et l'imam Ahmed, ça devient un imam, rahmatullah alayhi. Ça montre. Un rajul, il fait partie de Ahlil Ahwa, bila shak wa la rayb. Ça, c'est aqal, le minimum qu'on peut dire. وَعْلَمْ أَخِي الْكَرِيمِ كَذَلِكَ أَنَّ أَدِلَّةَ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَنْقَسِمْ إِلَى قِسْمَيْنِ. Les hadiths qui démontrent les mérites de Muawiyah, les savants ils les divisent en deux. Les premiers, أَدِلَّةٌ عَامَّةٌ, des hadiths qui ne sont pas exclusifs, réservés qu'à Muawiyah. Ça englobe tous les compagnons. Vu que Muawiyah c'est un compagnon, رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, فَلَا شَكَنَّهُ يَغَنْتَ دَنْ سَفَضَائِلِ et تَقَدَّمَتْ مَعَنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ قَوْلَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّ أَصْحَابِي etc. يقول ابن القيم أو قال ابن القيم رحمة الله عليه في المنار المنيف فيما صح في مناقبه الصحابة أو قال فيما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. Il cite un Mu'awiyah, il n'y a aucun mérite. Bel, vous allez entendre, inshallah, les accusations graves qu'il fait contre Mu'awiyah. Et Aina Fadl al-Suhba, c'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré Bel, kana min kuttab al-Wahi, il écrivait le Wahi. Et il s'est converti عام الفتح أو قبل. Donc il est resté un certain moment avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فأين هذا الفضل؟ قال الخلال رحمة الله عليه في كتاب السنة وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز. الإمام الخلال سمن أئمة الحنابلة son livre السنة. Il rapporte beaucoup de paroles de l'imam Ahmed رحمة الله عليه. Il rapporte à Abu Bakr al-Marrudi, un des élèves de l'imam Ahmed, il a demandé à l'imam Ahmed « Man al-afdal Mu'awiyah ou Omar ibn Abd al-Aziz ?» Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un khalife salih. Il est venu après les compagnons, radiyallahu anhu. Et il avait un fadl, et il faisait partie de Ahl al-Ilm. Et بعض الناس, probablement, ils pensaient que Omar ibn Abd al-Aziz, il est afdal min Mu'awiyah. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. On peut pas comparer avec les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم une personne qui est venue après eux. C'est incomparable. صحابي il a rencontré النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعث فيهم. Ça montre Fadl al-Mu'minin qui était à cette période. Et parmi ses croyants, Mu'awiyah. Alors que Rajul Islam ibn Ahmed, il a rapporté la parole de l'imam Ahmed, il n'y a pas de mérite, aucun mérite sur Mu'awiyah. Pourquoi il ne rapporte pas cette parole? Est-ce que Mu'awiyah, ou est-ce que Ahmed ibn Hanbal, il aurait entendu Wahad yat'an fi Mu'awiyah comme il fait Hadar Rajul, il aurait accepté son kalam? Lakin kama qultu lakum, il cite ce qu'il veut et il délaisse ce qu'il veut. شأن أهل الأهواء فلو ما ثبت في معاوية إلا أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. Si on aurait aucun hadith, aucune parole d'imam, فقط أن معاوية c'est un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, ça suffirait أنه c'est من أهل الفضل. كم من الصحابة رضي الله عنهم, on n'a pas de دليل de hadith spécifique sur eux. Annahu, il a fait telle chose, ou Annabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité beaucoup de sahaba, ils étaient des milliers fi hajjat al-wada'. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de fada'il? Fakayfa, wa qad rawa al-imam al-Bukhari rahmatullah alayhi, an ummi haram, bint Milhan, radiyallahu anha, qalat sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, awwalu jaysh min ummati yaghzoon al-bahr, qad awjabu. Les premiers de sa communauté, la première armée qui va faire le jihad en traversant le bahr, Aoujabou, قال الحافظ rahmatullah alayh, fi al-fath, awjabu, ay bima'na, ay fa'alu fi'lan wajabat lahum al-janna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montre que cette armée, awjabu, ay wajabat lahum al-janna. Et d'autres savants, ils ont expliqué le maghfira wa al-rahma. Al-muhim, c'est min fada'il, cette armée, ce jaysh, ça fait partie de leur mérite. Qalat Haram, radiyallahu anha, qultu ya Rasulallah, ana fihim. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je fais partie de ha'oula? Ça montre hirs al sahaba ala al-khayr. Qala sallallahu alayhi wa sallam, anti fihim. Elle lui a dit, na'am, tu fais partie de ha'oula. Ay, Haram, elle sera avec cette armée. Qala al-hafidh ibn Hajar, rahmatullah alayhi, qala al-muhallab fi hadha al-hadith, manqabatun li Muawiyah, li'annahu awwal man ghaza al-bahr. Ce hadith, il fait partie des mérites de Muawiyah, et Anahu, c'est le premier à avoir traversé la mer, radiyallahu ta'ala anhu. Wa min manaqibihi kadhalik anna Umar, radiyallahu ta'ala anhu, wa ma adraka ma Umar, al-khalifa al-rashid, walla ala bilad al-Sham. C'est qui a placé Muawiyah comme amir du Sham? C'est Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Wa aqarrahu Uthman radiyallahu an. Et كذلك Uthman, après la mort de Omar, quand Uthman il est devenu calife, il n'a pas enlevé Muawiyah de cette place et l'a remplacé par un autre, il l'a laissé. Le califat de Omar et de Uthman, c'est à peu près 20 ans. Ça montre un à peu près 8 ans avec Omar et 12 ans avec Uthman, et ils lui ont jamais reproché telle ou telle chose. فكيف s'ils seraient mauvais, عياذا بالله, comme ils prétendent, هؤلاء المتأثرين بالشيعة الروافض, s'ils seraient mauvais, est-ce que pendant 20 ans ils vont le laisser? قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير, حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم فيضبطه ويقوم به أتم قيام. Ça c'est كلام أئمة الإسلام. الإمام الذهبي il te dit حسبك, et ça te suffit, cet homme annahu, pendant toutes ces années sous l'ordre de Omar, thumma the Uthman annahu, il était responsable de cette énorme région Al-Sham, et l'actuelle Syrie, la Palestine, etc. Annahu, c'était lui l'amir, et alhamdulillah, il s'est passé que du bien. Falihada Omar, il l'a laissé jusqu'à sa mort, et Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Vous vous rappelez de la parole de Islam Ibn Ahmed, anna les grands compagnons, il faut les suivre sans condition, etc. Falimada, tu ne suis pas Omar. Limada, tu ne suis pas Uthman. Pourquoi eux, ils l'ont accepté, ils l'ont placé, ils lui ont donné cette responsabilité énorme, et anta, ayyuha al-makhdhul, tat'an fi, avec des accusations très très graves. وروى الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما. Ils ont demandé à Ibn Abbas, et c'est important ce athar, on l'a cité, لماذا؟ لأن ابن عباس il fait partie de أهل البيت, لأن هؤلاء ils essayent de faire croire que entre أهل البيت et Muawiyah il y avait de la haine, etc. كما تعلمون. Alors que ابن عباس رضي الله تعالى عنه قيل له هل لك في أمير المؤمنين أي معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة. Ils ont posé la question à Ibn Abbas, est-ce que tu reproches quelque chose à Amir al-Mu'minin, à Muawiyah? لماذا لأنه يفعل الوتر كن ركعة, avec une ركعة. قال رضي الله عنه أي Ibn Abbas, أصاب إنه فقيه. هذا في صحيح البخاري. Est-ce que une personne mauvaise comme il prétend, هو il a fait que des catastrophes, comme ça y est, est-ce que Ibn Abbas se yaqul fihi faqih? Est-ce que Omar va le placer amir fi al-Sham? Est-ce que Uthman va le laisser كذلك amir fi al-Sham? Asaba innahu faqih. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari aydan, dans une autre version, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma da'hu fa innahu sahiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à celui qui lui a posé la question, délaisse-le. Et il ne parle pas sur lui. فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Il a accompagné, il fait partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, il donnait de l'importance. Les sahaba, il donnait de l'importance à ceux qu'ils ont vu, qu'ils ont entouré, qu'ils ont accompagné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors un court instant, il leur donnait de l'importance. لِمَادَ لِأَنَّهُمْ سَيْدِ مُؤْمِنُونَ. الله سبحانه وتعالى فضلهم على غيرهم بهذه الرؤية أو هذا اللقاء. أما مثل هؤلاء المنحرفين المتأثرين بالشيعة الروافض إذن بان أبورتانس هذا، فلهذا يطعنون بكل سهولة. كذلك لأحاديث كالإمام البخاري الإمام مسلم أصحاب السنن يغبخت عن معاوية صمت خنهم إذن أكسبتي صن حديث رضي الله تعالى عنه. On fait une remarque هنا أن حديث يتمسك به الطاعنون في معاوية رضي الله عنه. حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان، أي ابن عباس يجوي avec des enfants، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فادع لي معاوية. Ça montre أن معاوية il a bien rencontré النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فجئت فقلت هو يأكل. ابن عباس il est retourné vers النبي صلى الله عليه وسلم et lui a dit il mange. ثم قال لي صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل، أي il mange. لو تتأمل الحديث ça veut pas dire que forcément Ibn Abbas il a demandé à Muawiyah et Muawiyah il lui a dit je ne peux pas répondre, je mange. Là Ibn Abbas il a dit ya'kul. Allah alam, est-ce qu'Ibn Abbas il a parlé à Muawiyah am la? Al-muhim qala idhhab fad'u li Muawiyah. Qala faji'tu fa qultu huwa ya'kul, ay il mange. Qala sallallahu alayhi wa sallam la ashba' Allah batna. Le Nabi sallam il a fait ce dua. Qala l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et fil haqiqa, ce point il est important, ayyuha al-ikhwan, ça vous montre anna al-ahadith, il faut revenir à ahl al-ilm. Lianna anta, tu peux lire ce hadith, ou la tafham shay. Tu ne sais pas le contexte, tu ne sais pas pourquoi l'imam muslim il l'a rapporté. Revenir à ahl al-ilm, ça facilite, est un exemple. Bel, c'est une des causes pour ne pas s'égarer, bi idnillahi jalla wa ala. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم قد فهم مسلم رضي رحمه الله. الإمام مسلم il a compris de ce hadith أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء. Pourquoi? لأن قال عليه فلهذا أدخله في هذا الباب. أي الإمام مسلم رحمة الله عليه. Et vous connaissez l'imam muslim, sahib al-sahih, un des grands imams de l'islam. Il a cité ce hadith dans le chapitre des mérites de Muawiyah. En apparence, tu peux ne faire aucun lien anta avec les mérites. Le Nabi sallam, il a fait ce dua. La ashba' Allahu batna. Qala an-Nawawi rahmatullah alayhi wa ja'alahu min manaqib Muawiyah li'annahu fil haqiqa yasir dua'un lah. Fil haqiqa, c'est un dua pour Muawiyah. Pourquoi? قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير كذلك في تذكرة الحفاظ لعل هذه منقبة لمعاوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. C'est pour ça que Muslim رحمة الله عليه il a cité ce hadith. لأن النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith il a fait ce dua اللهم من لعنته أو شتمته. Il a demandé à Allah, celui que j'ai maudit, ou chatamto, j'ai fait dua contre lui, faj'al dhalika lahu zakatan wa rahma. Fait que ce dua, ça devienne pour lui une rahma, une miséricorde, un pardon. Fait le haqiqa, ce dua, wa la ashba' Allah, la ashba' Allahu batna, du prophète sallam contre Muawiyah, fait le haqiqa, avec le deuxième hadith, c'est un fadl pour Muawiyah. Il y en a tous ceux que le Nabi sallam, il a fait ce dua comme Muawiyah. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à Allah سبحانه وتعالى que ça devienne une rahma pour eux. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخرى. معاوية il a profité de ce dua de النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه وأخرى. فالحقيقة c'est من مناقب معاوية. Chaque مؤمن ainsi comprend le fiqh comme ils ont compris الأئمة, il aurait voulu être à la place de معاوية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه ثم إلى في السدعاء عظيم اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. فهذا سي التنبيه. pour démontrer un ce hadith fi sahih muslim, c'est ça tawjih ahl al-ilm. Le tawjih il est wadih. Islam ibn Ahmed, il dit dans une intervention les hadiths faisant éloge de Muawiyah, ta'ammalou les titres et les sujets de ces conférences. Ma'anahu il est fi bilad al-kufr. Ma'anan nas ils ont besoin de l'aqida, ils ont besoin de tawhid, ils ont besoin de beaucoup de choses pour se préserver hunak. Fahoua, ses interventions sur Muawiyah. Aïn al-fa'ida. Ben c'est un chour azim si les jeunes ils écoutent et ils ont cette croyance sur Muawiyah et sur d'autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a avec Muawiyah ibn Abi Sufyan? Quelle est l'importance de dire que Muawiyah était bien ou était mauvais? Je pense que ça, cela n'a aucune importance. L'important c'est les actes et les faits et non la personnalité. De dire que Muawiyah était un grand compagnon ou Muawiyah, comme certains disent, était un grand injuste ou pervers ou je ne sais pas, je pense que ça ne change pas grand chose. Moi, si j'ai parlé de Muawiyah, je me rappelle même pas dans quel cadre j'ai parlé de Muawiyah. Je parle de la politique de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Je parle pas d'autre chose. Je parle de la politique de Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est-à-dire quand je parle de n'importe quel gouverneur, moi, qui me concerne, ce n'est pas sa personne ou sa foi, s'il était pratiquant ou pas, ça c'est son problème. Moi, mon objectif, est-ce qu'il a respecté l'engagement, son engagement ou pas? C'est-à-dire, lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan fait l'objet d'études, etc., moi, la question que je me pose, est-ce que Muawiyah était un bon gouverneur ou pas? Pas dans le sens, était pieux ou kafir ou un grand compagnon, ça m'intéresse pas. Quelle est l'importance? C'est un mu'min, c'est un sahabi. On n'a pas le droit de dire mauvais bighayri haqq. Khassatan annahu il est mort radiyallahu anhu il y a des siècles. Et an-nabi sallam nahana an sabb al-amwat. Pourquoi insulter des morts? Il est vivant, si c'est ton frère, fais-lui conseil. S'il est mort, fama al-fa'ida. Sauf si c'est un munharif et on met en garde, il a des livres, il a du hiraf, on met en garde pour pas que les jeunes s'égarent. Amma Muawiyah, c'est un sahabi jalil radiyallahu anhu. Qala, quelle était l'importance de dire que Muawiyah était bon ou mauvais? Je pense qu'il n'y a aucune importance. Naam, li annaka ta munharif. Bal al mu'min quand il entend hada, la yartah, kayf? Il y a aucune importance de dire fi sahabi bon ou mauvais. Et il va plus loin. Dire que Muawiyah était un grand compagnon ou comme certains disent que c'est un grand injuste, un grand compagnon comme ils disent as-salaf, comme ils disent ahl as-sunnah ou comme certains disent ay shi'a. Il cite les deux et Houa pour lui, c'est, il n'y a aucune importance. Que c'était un grand injuste ou pervers ou je ne sais pas, je pense que ça ne change pas grand chose. Si, عند السني, ça change beaucoup. لأن السني لا un ولا et un bara لله عز وجل في الله عز وجل. Il déteste الروافد الشيعة, il déteste ceux qui critiquent les compagnons Muawiyah et autres. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه في البداية والنهاية معاوية عندنا محنة. Comparer l'un et on répète, il y a aucune comparaison à faire entre les imams de l'islam et هذا الجاهل. لكن comparer كلام أئمة الإسلام. معاوية عندنا محنة. معاوية pour nous c'est une épreuve. قال فمن رأيناه ينظر إليه شزرا. Si on voit une personne, il a une mauvaise opinion de Muawiyah, une mauvaise pensée envers Muawiyah, on n'est pas tranquille, on sait qu'il a critiqué Muawiyah, donc il pourra critiquer les autres. Il a plus de limites. Hatta le fait d'avoir rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les fada'il qu'on a cités, فلا يبالون فربما يطعن في غيره من الصحابة. قال ابن المبارك اتهمنا على القوم يعني الصحابة الأثر كما قلنا الإمام ابن كثير il en a rapporté beaucoup في فضائل معاوية dans le بداية والنهاية autre que ابن كثير رحمة الله عليه. وقال الربيع ابن نافع الحلبي رحمه الله من أئمة السنة il est mort en 241 de l'Égypte. معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية c'est un ستر, c'est comme un rideau par rapport aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرِ اجْدَرَأَ عَلَى مَا وَرَأَ. Si une personne y touche à ce rideau, il lève le voile et touchera à ceux qui sont derrière le voile et les autres compagnons. أَمَّا هُوَ يَقُولُ je pense que ça ne change pas grand chose. أو je pense qu'il n'y a aucune importance. لِأَنَّا tu ne suis pas la voie des salafs, c'est pour ça que tu vois aucune importance. Et nous, on te dit, elle est où l'importance de le critiquer, de citer toutes ces choses à des jeunes qui ne connaissent pas grand-chose de leur din? Elle est où l'importance? Ben, c'est du shirk et c'est du dhalal, mubin. وَلَا تَغْتَرْ بِقَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَطْعَنْ فِي شَخْصِيَةِ مُعَوِيَ لِأَنَّ dans une intervention, il dit, أَنَّهُ dans cette intervention qu'on a citée, nous, on résume son kalam, on ne cite pas tout. Al-Muhim, il ne critique pas Muawiyah. Il ne critique pas la personne. C'est pour ça qu'il a dit qu'il soit bon ou mauvais, ça ne change pas grand-chose. Thumma, il explique qu'il critique la politique, etc. Tout ce qu'il a fait. Ahlul bid'a wa dhalal al-mubtiloun yatanaqadoun. Ils se contredisent là. L'annahu yaqul hada, thumma sma' fal-haqiqa son kalam. Et tu juges de toi-même, est-ce que cet homme yat'an fi Muawiya am la? Qala, dans une intervention, suivez les sahaba, oui, mais qui sont-ils? Il veut démontrer comment on va faire avec Shia quand il critique Muawiya, on ne peut pas le défendre, et il est indéfendable. C'est pour ça que pour lui, il a une approche, il faut montrer les erreurs de Muawiya, on se désavoue de lui, hatta les chiites, ils ne peuvent plus nous le reprocher. Shia, c'est des kadabas, ils mentent. Qala, et c'est pour ça, lorsque Shia nous sort des choses, les sunnahs, ils sont incapables de répondre. Tu vas répondre quoi? Quand Shia te dit quelque chose, tu vas répondre quoi? Quand Shia va te dire, Muawiya ibn Abi Sufyan, voilà ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On peut pas le nier. On peut pas le nier. Tu vas lui dire quoi? Que c'est halal? Tu deviens kafir. Car ce qu'il a fait, c'est que des catastrophes. Aïyad billah. Et ce qu'il a dit, ibn Abbas, annahu faqih, annahu sahiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une catastrophe, aïyad billah. Son kalam, il est khatir, jiddan. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, rahmatullah alayhi. كما في وفيات الأعيان كذلك الإمام الآجوري رحمة الله عليه في الشريعة beaucoup d'imams rapportent son كلام قال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة أي عمر بن عبد العزيز la poussière qui est rentrée dans les narines de معاوية pendant le jihad لأنه il a fait le jihad مع النبي صلى الله عليه وسلم et ça c'est clair c'est unanime أنه il a fait le jihad il a fait des غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم après Al-Fatah. أن هذا الغبار qui est rentré dans les narines de Nabi de Muawiya, il est mieux que 1000 Omar ibn Abd al-Aziz. Pourquoi? لأنهم ils donnaient de l'importance à ceux qui ont fait le jihad مع النبي صلى الله عليه وسلم, qui ont vu النبي صلى الله عليه وسلم, qui était à cette époque. خير الناس قرني. قال صلى معاوية عبد الله بن المبارك continue رحمة الله عليه. صلى معاوية رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية il a fait le salat derrière النبي صلى الله عليه وسلم plusieurs fois. Ça, il n'y a aucun doute. وهذا يقول, il a fait que des catastrophes. قال, فقال صلى الله عليه وسلم, سمع الله لمن حمده. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, vu que c'était l'imam, il disait, سمع الله لمن حمده, quand il se relevait de الركوع, de l'inclinaison. فقال معاوية, ربنا ولك الحمد. Et معاوية, vu qu'il était derrière, tous les sahabis, il disait, ربنا ولك الحمد. Qu'est-ce que ça veut dire, سمع الله لمن حمده? السمع هنا سبي معنى الاستجابة أي الله يغيبون النبي صلى الله عليه وسلم quand il disait سمع الله لمن حمده أي الله يغيبون à celui qui l'ahmed قال معاوية ربنا ولك الحمد معاوية il a dit ربنا ولك الحمد c'est ça فقه السلف tout ça pour هذا المبطل c'est que des catastrophes اسمع ماذا يقول dans une intervention suivez les sahaba la même que ce qu'on a cité la même source que la précédente. Qui a tué Al-Hussein, c'est le fils, mais qui a tué Al-Hassan, ce n'est pas moi. Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyushir, il cite les catastrophes, ayyadam billah, de Muawiyah, et il dit, qui a tué Al-Hassan, ce n'est pas moi. Yattahim Muawiyah bihada. Qala l'imam al-Zahabi, rahmatullah alayhi, qala ibn Abd al-Bar, rahimahullah, qala Qatada wa Abu Bakr ibn Hafs, سمى الحسن زوجته بنت الأشعث وقال الطائفة كان ذلك بتدسيس معاوية إليها. Certains ont accusé Muawiya. D'autres ils ont dit que c'était sa femme, la femme de Al-Hassan radiyallahu anhu. D'autres ils ont dit c'est Muawiya qui a ordonné à sa femme. D'autres ils disent que c'est pas sa femme. Allah a'lam, on a aucun dalil fi hada. Ça c'est des paroles des historiens, al-mu'arrikhun dans leur livre. قلت أي ابن عبد البر هذا شيء لا يصح. فمن الذي اطلع عليه صحيح اولا on n'a pas d'isnad des asanid sahiha et deuxièmement qui c'est qui a informé haoula que c'est Muawiya qui a dit à la femme de Hassan man qui c'est qui les a vus qui c'est qui a assisté Islam ibn Ahmed an il vit à notre époque qui c'est qui l'a informé bihada إلا كتب الشيعة والروافض تأثر بها أو دي بيرسون سي با لو كلام سي با اون حجة أبدا. Accuser un musulman, ce n'est pas simple. Accuser un sahabi, c'est encore moins simple. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبل. Celui qui dit sur son frère une chose qu'il n'a pas commise, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait habiter يوم القيامة في رضغة الخبل. C'est عصار أهل النار. Toute la sueur, tout le pu, le sang de أهل النار, de ceux qui sont en enfer, ça formera un fleuve et il sera placé dedans. Celui qui dit sur son frère une chose qu'il n'a pas faite. L'assassinat de l'Hassan, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في العواصم فإن قيل قدس يعني معاوية على الحسن من سمه. Si on dit, ou certains disent que معاوية c'est lui qui a empoisonné الحسن ou qui a chargé quelqu'un de l'empoisonner. قلنا هذا محال من وجهين. Il dit c'est pas صحيح, c'est impossible pour deux raisons. أحدها أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسا وقد سلم الأمر. صحيح أن الحسن lui-même il a délaissé le khilaf après son père Ali pour Muawiyah pour que les musulmans y se rassemblent. Donc il y avait pas de raison. Il y avait pas de raison. Et ça montre que ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه quand il a parlé de الحسن il a dit هذا ابن سيد وسيجمع الله بينه وبين الطائفتين من الطائفتين عظيمتين من المسلمين أو من المؤمنين. Ça montre que la طائفة de Muawiyah c'est des musulmans, des mu'minun. La deuxième chose أنه قال ابن العربي رحمة الله عليه الإمام أنه من مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه على أحد من خلقه. كذلك يدي رحمة الله عليه أن c'est une chose on n'a pas assisté. Ça fait partie de l'invisible pour nous. Allahu a'lam. Al-Hassan, il est mort, empoisonné. Allahu a'lam, c'est qui ? Fakif, accuser wahid. On ne parle même pas, nous, d'un compagnon. Accuser un musulman, walou un fasiq, walou un mujrim. L'accuser, il faut une bayina, il faut une preuve. Même un kafir, l'accuser, il faut une hujja. Pas le droit de dire ce kafir, il a tué. Hada bi batil. La yajouz al-kadib. Qal ibn Khaldun, dans Al-Ibar, wa diwan al-mubtada, wal-khabar. Ibn Khaldun, c'est un historien. Il a un livre fi tariya. وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة حاشا لمعاوية من ذلك. ابن خلدون يمونتخ أن ça fait partie des mensonges de الشيعة et معاوية رحمة الله عليه il est loin de tout cela. كذلك parmi ces accusations يقول dans toujours suivez les sahaba mais qui sont-ils qui a fabriqué les idoles pour les non-musulmans qu'elle soit adorée. Moi, c'est Mouawiyah ibn Abi Sufyan. Ça, c'est une tuhma khatira. Allah alam hal hada rajul il a la raison am la. Annahu al-an il accuse Mouawiyah de fabriquer des idoles, des statues, pour qu'elle soit adorée. Hada c'est du kufr et du shirk. Il y en a celui qui vend une chose pour qu'elle soit adorée, yadam billah, annahu il approuve le shirk, bel il appelle au shirk. روى أو روي عن الأعمش عن أبي وائل قال كنت مع مسروق فمرت به سفائن فيها أصنام فسألهم عنها فقالوا بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له. من رواية أن dans les روايات في الحقيقة c'est pas si c'était fabriquer des idoles, c'est écrit vendre des idoles, لكن ça montre أن الرجل il a pas de تحري. المهم أن ست رواية قال المعلم رحمه الله ففي رواية الأعمش حديث كذلك ضعفها أهل العلم. قال وبعضهم أي يضعف بأن الأعمش لم يصرح بالسمع وهو مدلس. نعم الأعمش لدي عن أبي وائل الأعمش سامدلس عنعنة رجتي. ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في تاريخه الصغير ووهنه بتدليس الأعمش. البخاري et Al-Mu'allimi après lui fit Tankil et ils ont démontré que ces riwayats ne sont pas sahihs. Wa fi al-muntakhab min al-'ilal qala al-imam al-Khallal rahimahullah qala Muhanna sa'altu Ahmad 'an hadith al-A'mash 'an Abi Wa'il. Ils ont demandé à l'imam Ahmad sur ce hadith 'an al-A'mash 'an Abi Wa'il sur les idoles anna Muawiya la'iba bil-asnam. Ils ont demandé à l'imam Ahmed, pas la fabrication. Anna Muawiya jouait avec des statues. فقال رحمه الله ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الكوفة en Irak. L'imam Ahmed il montre que هؤلاء ils étaient très durs envers أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يصح الحديث. هكذا قال الإمام أحمد. وقد تكلم به رجل من الشيعة. هكذا يقول الإمام أحمد. Pourquoi quand ça l'arrange il cite la parole de l'imam Ahmed et في هذا il délaisse leur parole. Et vu qu'il a trouvé cette riwaya sur Muawiyah, il l'a cité pour lui c'est sahih. أشد من ذلك. والله il y a des paroles نستحي من ذكرها. لكن لبيان هذا المبطل قال dans toujours dans suivez les sahaba mais qui sont-ils et il a une arrogance et un kibr iyad billah. Donc ce chiite il utilise Muawiyah, il ne peut pas utiliser Abu Bakr. Donc il utilise Muawiyah. Et il a beaucoup d'arguments. Donc il a moins d'efforts à faire. Et ce simple musulman, il va se sentir trahi. Il a caché beaucoup de choses. Ah, c'est lui Muawiyah dont tu parles, le compagnon, ex. C'est lui. Il a violé, et il a volé, etc. Car Nabi l'a rattrapé en train de voler. Il l'accuse de viol, de vol. Ayyadun billah. Donc ce n'est pas un hadith ou deux. Il montre, c'est pas qu'un hadith qui est venu montrer les choses graves dont il accuse Muawiyah. C'est pas un hadith ou deux. C'est plusieurs choses qu'on peut pas renier. Qala, c'est toute la vie. Et c'est pas qu'une chose, il a fait un mal, une erreur. Là, c'est toute sa vie, c'est hada. Toute sa vie, iyadun billah, c'est vol, viol, les idoles, etc. Na'oudou billah. Hatta un muslim, l'an envoyé, il a passé cette tammat. Et il accuse biha Muawiyah. قال c'est toute la vie أي معاوية il y a que ça فلا شك أن من تكلم بهذا الكلام الشنيع في الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه فسيتكلم في غيره من بني أمية خاصة يا أكان دوت أنا celui qui critique معاوية فلا شك il va critiquer عمر il va critiquer المغيرة ابن شعبة il va critiquer beaucoup de compagnons et d'autres qui sont venus après les compagnons خاصة من بني أمية تشبها بالشيعة الروافض قال الإمام النسائي رحمه الله إنما الإسلام كدار لها باب الإسلام c'est comme une maison cette maison elle a une porte فباب الإسلام الصحابة cette maison qui est l'islam la porte c'est الصحابة فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام celui qui fait du mal aux compagnons في الحقيقة il veut faire du mal à l'islam كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار comme celui qui frappe à la porte pour rentrer à la maison enfin celui qui frappe qui touche aux compagnons c'est pour la maison pour l'islam قال رحمة الله عليه الإمام النسائي dans تهذيب الكمال et كذلك تاريخ دمشق ابن عساكر il cite et d'autres قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة celui qui veut الصحابة il commence par معاوية انتهى كلام النسائي على كل حال beaucoup de طعونات qu'on citera pas في معاوية et d'autres فانحرافات هذا الرجل كثيرة جدا ما يتعلق ب que ça soit sur الصحابة ou autre والله il a des كلام عجيب كأنه il a pris كلام أهل السنة كما ذكرنا مع الإخوان كأنه il a pris كلام علماء السنة et chaque chose qu'ils disent il veut les contredire كأنه هذا tu trouves dans beaucoup de مسائل أنه عياذا بالله دي paroles graves سبب ذلك والله تعالى أعلم أمور et on conclut avec هذا et c'est ça نحن qui nous intéresse أولا c'est de montrer حال هذا المبطل pour mettre en garde المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة et كذلك on profite نحن de ses réfutations pour se remettre en question nous comment il a fait pour arriver à هذا الحال مع أنه يديك ستان سلفي كستة كذا كم إلى فيه pour arriver à هذا الحال عياذا بالله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أن الرجل il a pas fait d'effort بل il a de l'orgueil et tu le ressens dans son كلام et des autres causes qu'on va citer أنه انحرف des choses والله حتى des égarés كالشيعة il dit la même chose عياذا بالله السبب الأول أنه يبحث عن أخطاء الصحابة وما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من des premières causes أنه vu qu'il pense que c'est un historien, أنه il a fait des études, أنه il a un niveau, il a fait des recherches dans certaines choses Et ta'lamoun anna kutub al-tariq fiha al-sahih wa al-da'if wa al-mawdu' wa al-makdoub. Et il est rentré dans ça wa ta'athra bil-shi'a al-rawafid. Et il a eu ce mouqif par rapport à Mu'awiyah et d'autres. قال الإمام أبو نعيم رحمة الله عليه في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم حال الغضب والموجدة ça ressemble à الغضب إلا مفتون القلب في دينه ça c'est من علامة أن هذا الرجل il est مفتون son cœur il est devenu مفتون أنه il recherche les erreurs des compagnons أنه دائما il essaye de rentrer dans ces choses et il croit savoir comprendre في الحقيقة وقع في الفتنة il a voulu comprendre cette fitna et وقع في الفتنة comme il disait certains salaf quand il leur posait la question sur la fitna qu'il y a eu entre Muawiyah et Ali ibn Abi Talib رضي الله عنهم أجمعين أنهم ils disaient الحمد لله Allah سبحانه وتعالى il a fait qu'on n'assiste pas فالحمد لله on rentre pas après leur mort في هذا c'est ça le موقف الصحيح أما qu'est-ce que tu vas changer الآن إلا ربما تتجاه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في الواسطية في. Il a démontré le موقف الصحيح. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce qui s'est passé entre الصحابة رضي الله عنهم؟ قال إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. هاي les narrations, les textes qui ont été rapportés par rapport à la fitna qu'il y a eu. إما c'est du كذب. قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه des choses qui ont été déformées rajoutées enlevées والصحيح من et les choses qui sont صحيحة il y en a il s'est passé des choses قال فهم معذورون إما مجتهدون مصيبون إما ceux qui ont raison ils sont récompensés pour leur ijtihad إما مجتهدون مخطئون إما ceux qui se sont trompés ils sont trompés رضي الله عنهم Et الجميع voulait le haq. Et la chèque, Anna Ali, رضي الله عنه, c'était le khalifa, et il était à la haq. Et ceux qui se sont trompés, comme a قال عز وجل, dans l'ayah qu'on avait cité. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين جاءوا من بعدهم الآيه. Deuxième cause, la première, donc, il est rentré dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Deuxième cause, al-hawa. Anna celui. Qui n'est pas sincère, qui n'est pas objectif, khas satan dans les masa'il de khilaf, khas satan dans les fitan, si il suit le hawa, farubbama il s'égare. L'imam d'Ali Enna, il voudra tout, que toutes les preuves qui sont soutées, toutes les choses, elles soient par rapport à son avis, pas par rapport au haqq. Et ça, c'est une des causes d'égarement. Mathalan, hadha rajul, Islam ibn Ahmed, vous vous rappelez du athar de Saïd ibn al-Musayyib, On avait dit les ضعيف كما قال أهل العلم لماذا لأن فيه الواقدي الواقدي كما قال الذهبي الإجماع أنه إلى ضعيف بعضهم ils ont dit c'est un كذاب إلى آخره مهم إلى ضعيف il y a aucun doute et هو il le sait هذا لكن quand ils lui ont posé la question sur le واقدي par rapport au atar qui cite de Saïd ibn Musayyib dans un audio ils lui ont posé la question et قال si quelqu'un vient me dire في الحقيقة الله أعلم ils lui ont dit que la parole de Saïd ibn Musayyib est faible car dans le isnad il y a al-waqidi et le sait هو هذا ثم قال car nous on a une règle nous ay al-ash'ara il a dit les nasdi ash'ari lorsque les savants c'est quoi cette règle lorsque les savants ont l'habitude de transmettre une parole sans remettre son authenticité en question c'est que cette parole est acceptée iyadun billah d'où elle vient cette qaida si al-ijma' n'am mais الان on a cité plusieurs paroles كثير من العلماء disent ان la parole de Saïd elle est pas sahiha. On a cité la parole d'Imam Muslim, on a cité la parole de l'Hafid ibn Hajar, on a cité Ibn Kathir, on a cité plusieurs. Hakeif l'un. Ce athar, il est pas sahiha, il le sait. Lakin, vu que pour lui, il a accepté, fait le haqiqa, il a accepté par ses passions. L'anna, ça l'arrange. Fayaqul, ils l'ont pas remis en question, donc il est sahih, elle est acceptée. Pourquoi t'acceptes pas tous les kalams de Ahl al-Ilm, qu'il faut pas insulter le Sahaba, il faut pas les accuser, il faut respecter Muawiyah et d'autres. Pourquoi on n'accepte pas ça? قال عز وجل وإذا قلتم فعدلوا العدل c'est pour ça que je conseille nafsi wa ikhwani de toujours faire attention à هذا العدل ne crois pas que ta parole elle passe avant les autres ne crois pas que tu auras toujours raison ne crois pas que ton mawqif c'est forcément le haq que les autres ils ont tort là regarde le dalil reviens à أهل العلم et essaye toujours de te soumettre au dalil au haq Allah subhanahu wa ta'ala même si c'est contre toi من تواضع لله رفعه الله عز وجل La troisième cause et la dernière, al-kibr wal-ghurur. Et ça, c'est mulahaw dans les interventions de Hadar Rajul. Wallahi kalam, je vais vous citer certaines paroles. Tastahi, t'as honte à sa place. Kif yaqul, il se prétend talib ilm, il se prétend akthar min hadha. Et certains de ses suiveurs, ils l'appellent Sheikh, Sheikh Islam ibn Ahmed. Al-ghurur wal-kibr. Annahu, il pense qu'il a atteint un niveau, annahu, il peut contredire l'ulama, il peut faire des efforts d'interprétation, il peut revenir au texte seul, il s'égare. Isma' kalam, dans une intervention, pourquoi les salafistes restent salafistes? Et shughluhu ash-shaghil, c'est at-ta'n fi as-salafiyyin fi ahl as-sunnah. لماذا لأنهم إزام معاوية لأنهم إزام الصحابة لأنهم يسعى على مذهب السلف أما كيس كيليون فعل قال أي راكونت أنه إلى بوليميكي مع واحد ils ont débattu sur un sujet qu'est-ce qu'il lui a dit je lui ai dit si toi tu as مجموع الفتاوى ici ils étaient dans une pièce si tu as مجموع الفتاوى dans cet endroit en libre moi je l'ai ici أي dans son cœur dans sa tête. Et il le connaît par cœur. Et il le dit d'une façon annahu, il sait. C'est pas min adab talabat al-ilm hada. Ashaddu min dhalik, il dit dans la même intervention en parlant de l'imam muhaddith al-asr Cheikh al-Albani rahmatullah alayh. De quel manuscrit tu es en train de parler? Il a cité la parole de Cheikh al-Albani quand il lui a posé la question sur un kalam de l'imam al-Bukhari sur As-Sifat et l'imam al-Albani dans le Makhtout il n'y a pas ce kalam. C'est un autre sujet qu'on ne détaillera pas. Nous ce qui nous intéresse c'est le kibr qu'il a. De quel manuscrit tu es en train de parler? En parlant de Cheikh al-Albani, il pense qu'on est des amateurs. Cheikh al-Albani il pense que lui c'est un amateur. Et lui, il sait, c'est pas un amateur. Hatta huwa, il connaît les manuscrits. Bal yaqul, la moitié de ma science, elle vient des manuscrits. Fa na'oudu billah min ilmin la yanfa'. Ilm, et après, tat'an fi ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tat'an fi ahl sunnah. Il est où le prophète? Al-Qur'an, hujjatun lak ou alayk. Kadhalik yaqul, dans la même intervention, wallahi, quand j'avais 18 ans, des gens qui étaient même dans leur master, qui était dans leur master de sciences islamiques n'arrivait pas à s'asseoir avec moi. Là, c'est Cheikh l'Islam. Qala, ce n'est pas que j'avais la science. Thomas, il essaie de se rattraper. Il est mutawadhi. L'annahu qala, wallah, j'avais 18 ans, ils pouvaient pas s'asseoir avec moi. Ceux qui ont un master dans les sciences islamiques, ils ont étudié, ils ont un niveau. Thomas qala, ce n'est pas que j'avais la science. Je suis nul. Mais il a akhri. Il a takhabbat. Une fois, il est nul. Une fois, il est. نحن لا aucun doute انك تا جاهل تا منحرف. يقول كذلك dans suivre une école de droit. Quand on parle des écoles, on n'est pas en train de parler des voyous, on est en train de parler des savants de l'islam mentionnés dans le hadith. Personne a dit que a'immat al-madahib c'était des voyous, ayadan billah. لكن هكذا اهل الاهواء, ils citent des problèmes qu'il y a pas et ils donnent des réponses. ثم قال, quand on parle des écoles, on n'est pas en train de parler des voyous. On est en train de parler des savants de l'islam mentionnés dans le hadith. Reconnus par tout le monde. On n'est pas en train de parler de l'Albani, ou bien on est en train de parler de Ibn Baz, ou bien en train de parler du compagnon de l'Uyayna. Compagnon de l'Uyayna, la'allahu il vise Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin est à l'Unayza, pas loin de l'Uyayna. Fala'allahu il le vise. Et là, chaque parle à l'Albani et Ibn Baz. Voyous, et après il a parlé de Ha'oula, pour comparer avec l'A'imma. كذلك قال dans la menace des sunnites déguisés appelant à suivre Ibn Taymiyyah, c'est juste pour qu'il utilise les arguments. Ibn Taymiyyah n'a jamais eu une vision personnelle indépendante. Ibn Taymiyyah, c'est juste comme un perroquet qui répète les paroles. Lisez, prenez Majmou al-Fatawa, prenez Talbis al-Jahmiyyah, prenez al-Minhaj, et vous allez voir ce que je viens de dire. Yat'an fi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et كذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الامام الالباني les trois يطعن فيهم بالشده لماذا لانهم نصروا الدعوه السلفيه à leur époque. ثم قال شيخ الاسلام il n'a pas de science. Que Ibn Taymiyyah à chaque fois pour réfuter une tendance, une idéologie, une position, il utilise la position ou l'idéologie opposée et à chaque fois de cette manière. Il n'a pas de science. C'est que chacun de nous peut faire ça, ce travail, n'importe quel musulman peut faire faire ce travail. On prend un livre qui réfute les chiites et après je donne que c'est moi l'auteur de ce livre. Si je veux réfuter As-Sunna par Shia, je prends les arguments de Shia pour réfuter As-Sunna. C'est ça le travail de Ibn Taymiyyah. Ça, c'est la première chose dans la croyance. Si le Cheikh l'Islam n'a pas de science, on va prendre la science de l'Islam, nous, Ibn Ahmed. Al-ulama, hatta min al-munharifin min ahli al-bid'ah, ils ont reconnu Fadl Cheikh l'Islam dans l'ilm. Même si certains n'étaient pas d'accord avec son manhaj, avec sa aqida, min ahli al-bid'ah, il y en a, ils n'étaient pas d'accord. Lakin, wallahi, hatta ba'd al-mubtadi'ah, ils reconnaissaient annahu, il avait du ilm. Et ses livres, Minhaj al-Sunna, son livre sur l'aql, ses fatawa, tous ses rudud, illa mutakabbir, qui ta'n sur Cheikh l'Islam. Fait l'haqiqa, ceux qui ta'n sur Cheikh l'Islam, tu as deux groupes. T'as Shia al-Rawafid et t'as As-Sufiyya. Et Ar-Rajul ta'athara bil firqatayn. Wallah, il a des choses qu'As-Sufiyya et il a des choses qu'As-Shia. Qala, Cheikh l'Islam, il n'a pas de science. Chacun de nous peut faire ce travail. Et qu'il a fait. Il y en a pour lui, Cheikh l'Islam, rien qu'il a jamais, il a copié sur certains et chacun de nous, il peut faire. Ça, c'est certain, ta'unat sur ulama al-Islam pour montrer kibr. Hada Ar-Rajul. أما مع الزنادقة مع الملحدين et ça vous montre الهوى et الخبث. Vous avez entendu طعونات sur Cheikh l'Albani, sur Ibn Baz, sur Ibn Uthaymin, il a sur Cheikh l'Islam de Taymiyyah, sur Muawiyya قبلهم, sur Bani Umayya, sur beaucoup. أما مع الكفار, on dit même pas المبتدئ, مع الكفرة مع الزنادقة. اسمع, قال للشيد, c'est des musulmans comme nous. On peut être pas d'accord avec eux sur certains sujets. Quels sujets? Ta'anihim fi Aisha, ta'anihim fi Abi Bakr, fi Omar. Donc ta'anat sur Muawiyah, mais Muawiyah il est d'accord avec eux bi wudouh. Hada l'an. Un sunni, tu lui parles des chiites, il sait, khasatan ceux de notre époque qu'on appelle Ar-Rafida, il sait que c'est des zanadiqa. Il y a ta'anoun fi ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres choses. Et il a fait aucun tafsil. Il y en a qui disent qu'il y a un tafsil, il a fait aucun tafsil. Qala les chiites, ça englobe tous. Et quand tu parles des As-Salafiyoun, khasatan Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abd al-Wahhab, et dans des kalimas, il cite sur les salafistes, et Yaqul, je jure que ça ne fait pas partie de la religion d'Allah. Je jure que ça fait plutôt partie de celle de Shaitan. Quand tu parles d'Ahl Sunnah, leur position sur As-Sifat, leur position dans des masaïl de fiqh, yat'an fihim hakada. Et sur Shia, il dit les chiites, c'est des musulmans comme nous, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Limada la taqul hada fi Ahl Sunnah. Et il dit au sujet de l'Hallaj, et ça c'est pour vous montrer, Khubt al-Rajul. Al-Hallaj, il a été tué par le gouverneur à son époque il y a longtemps, avec fatawa Ahl al-Ilm. Ils ont montré que c'est un zindir. L'anna hada al-Rajul, iyadam billah, c'est un soufi halik. Il disait bi wahdat al-wujud, bel, il disait ma taht al-jubba illa Allah, kan ya'taqid al-hulul. Annahu, c'est lui Allah, iyadam billah. Marra, il a entendu Wahid réciter le Coran et il disait, je suis capable de dire la même chose que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mouim, yaqul bil hulul, bi wahdat il wujud, il faisait du, yaqul bil sihr. Al-Hallaj, il n'y a aucun problème. Taqara kalam ahl al-ilm fi, c'est wadih, annahu, c'est un zindiq, un mulhid. Houa, qu'est-ce qu'il dit sur lui? Il a une série de cours, les savants rejetés de l'islam. Et il cite Al-Hallaj, je le considère comme un savant de l'islam. Loin de ces avis que je trouve ne sont pas compatibles avec la croyance musulmane. C'est du kufr, zandaqa. Ah ouais, il dit, il est pas d'accord, c'est pas compatible. Lakin ma'ahada, c'est un savant. Qu'annahu, il a fait une petite erreur dans le fiqh et on n'est pas d'accord. Thumma qal, mais je considère comme une personnalité, un poète, un pieux qui dit bi wahdati al-wujud, un pieux qui dit bil kufr al-wadih, al-shirk al-sarih. Mais je considère comme une personnalité, un poète, un pieux, pour moi, une personne que l'on doit respecter. Vous vous rappelez ce qu'il disait sur Muawiyah et ce qu'il disait sur A'immat al-Islam? Il ne disait pas là, il faut respecter. Mathalan, il aurait dit Muawiyah, s'il a fait des erreurs, et il n'est pas ma'soum, annahu, c'est un sahabi jalil, et on le respecte. Là, ta'an, il a fait que des catastrophes. Mais annahu, il est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hada al-ghali fi wahdati al-wujud fi al-tasawwuf fi al-shirk, il dit, on doit le respecter. Et c'est un savant. Et son côté positif était plus important que son côté négatif. Léana, tu sais plus meilleur entre le positif et le négatif. Qala l'imam al-Zahabi, rahmatullah alayhi, al-Hallaj. Il a, dans Al-Siyar et dans d'autres livres, il a dit, Mansour al-Hallaj, al-Maqtoul al-Zandaqa. Il a été tué, li'annahu, al-Zandaqa, al-Zandir, c'est celui qui fait apparaître l'islam et c'est un kafir. Ma wara ما روى ولله الحمد شيئا من العلم أنه لا pas rapporté de علم أي لا pas de رواية dans le hadith وكان له بداية جيدة وتألها وتصوف ثم انسلخ من الدين c'est devenu un soufi et il est sorti du din وتعلم السحر et il a appris le sihr وأراهم المخاريق وأباح العلماء العلماء دمه العلماء ils ont fait le fatwa au gouverneur qu'il le tue من بدل دينه فاقتلوه et هذا إسلام بن أحمد il a de la compassion pour lui il faut le respecter et il n'accepte pas et il est triste que Al-Hallaj il s'est fait tuer et il a une intervention à court d'une demi-heure à peu près sur هذا فهذا هو إسلام ابن أحمد on voulait faire cette réfutation et هذا qui se prétendait salafi لكن حتى dans sa prétention de salafi قال dans une intervention quand j'étais wahhabi à la première minute moi je parle de moi wallahi je ne connais pas quelqu'un qui était aussi fanatique radical dans le wahhabia wallahi pour moi celui qui préfère utiliser les dentifrices la brosse à dents au lieu d'utiliser siwak pour moi il était apostat kafir je vous parle d'une vérité Allah Ta'ala il est témoin wallahi j'étais quelqu'un très radical dans le wahhabia حتى في سكيل ابل سا سلافيا سي ان منحرف ان مجرم كيف يكفر celui qui utilise brosse à dents et des dentifrices au lieu du siwak siwak c'est une sunna celui qui le délaisse la chair et celui qui utilise le dentifrice brosse à dents alhamdulillah c'est min an-nadafa Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin est-ce que واحد من ائمه السلف بل ان سلفي un salafi qui a pas d'ilm il va dire هذا ان celui qui utilise brosse à dents et dentifrice c'est un kafir Ça vous montre, Anna, c'est sur cette salafia qu'il était. Falihada, il s'est égaré l'un et il penche vers al-Shi'a ou al-Rawafid. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Amma al-Ba'd, ils peuvent dire pourquoi taruddoun alayh, pourquoi vous faites des redoutes sur lui, vous les mettez sur internet, vous les propagez, vous ne l'avez pas conseillé, pourquoi vous ne lui envoyez pas en privé. Awwalan, takallama bil-Ba'til dans les réseaux sociaux, sur internet, dans sa mosquée, partout, fayurad alayhi alaniya. Quand on fait ce genre de redoute, c'est pas que pour la personne. Alhamdulillah, s'il accepte, l'Allah Azza wa Jal. Lakin, on pense kadalik aux suiveurs. Et kadalik, on a fait ces audios, hatta si quelqu'un nous pose, nous demande sur cet homme, alhamdulillah, on n'a plus qu'à le diriger vers ces audios. Il faut penser aux autres aussi, il ne faut pas penser qu'à lui. Kadalik, si on a parlé bibatel, on s'est trompé, fayarud. Il n'y a aucun problème, alhamdulillah, l'important c'est an-nasiha. Si c'est haq, faites tawba, si c'est batil, montre. Amma on se tait, certains de leurs suiveurs, rubama yaquloun hada. Quand tu fais des redoutes, pourquoi vous parlez sur lui? On parle et annahu, il propage le batil. Et l'an, ce n'est pas des khilafat yassira qu'on a ma'a. Vous avez entendu. Vous avez entendu, ta'an fi sahaba, fala karama li ha'oula. Ils sont plus proches de shi'a qu'autre chose ha'oula. Anahnu narud li... نصيحة لله سبحانه وتعالى ولعامة المسلمين celui qui accepte الحمد لله celui qui accepte pas فالله سبحانه وتعالى إلى بكل شيء عليم هذا c'est ça المقصود ولله الحمد et on conseille nos frères de attention au sentiment pourquoi il rôde pourquoi il parle pourquoi il a dit ce kalam pourquoi il parle avec cette dureté pourquoi il dit tout ça sur les sahabes normalement au lieu de dire pourquoi tu répliques pourquoi tu propages normalement la question qui se pose c'est à lui pourquoi tu t'attends fi Muawiya pourquoi t'attends fi a'immat al-islam pourquoi t'attends fi al-sunnah alors que al-kafara il n'y a aucun mot il a des cours sur la citoyenneté en islam t'ata'adjab il dit des choses et le rifq qu'il a avec les yahoud ou les nasara toujours il trouve des excuses annahu il faut être kada il faut être kada et ma'a al-sahaba ma'a bani umayya إلى لسان حاد جدا عيادا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين